Et il faut savoir que ce n'est pas légiféré de prononcer l'intention dans aucune adoration dans l'islam. C'est une innovation de prononcer l'intention. Est-ce qu'on prononce dans le Hajj et dans l'Umrah? Ce n'est pas une intention. Mais c'est un dhikr qui est légiféré à ce moment-là. C'est un dhikr qui est légiféré à ce moment-là. C'est une formule qui est une sunna de dire. C'est pour ça que si tu ne la dis pas, l'Umrah est valide et le pèlerinage est valide. Si c'était une intention, ça serait invalide de ne pas la dire. L'intention ne doit être prononcée dans aucune adoration dans l'islam. L'intention, c'est dans le cœur. Le fait de te lever vers la salle de bain, de t'orienter vers la salle de bain, et dans ton cœur, tu sais, c'est pour faire les ablutions, ça, c'est une intention. Ça suffit. Le fait d'être debout dans le rang quand l'imam il va prier dhuhr, ça c'est l'intention de prier dhuhr. Et c'est suffisant. Et plus que ça, c'est le waswas. Plus que ça, c'est le waswas.